parti, Nadia sur RJM, presque 8h38, on parle anniversaire. Il s'en est un 19 juin 1954. Naissance de Philippe Manœuvre, journaliste, animateur télé, radio et scénariste de bande dessinée français. C'est également l'année de naissance de Kathleen Turner, actrice américaine, vue dans À la poursuite du diamant vert, Le diamant du Nil, Virgin Suicides ou encore Dumb and Dumber 2. 1960, naissance de Laurent Gamelon, acteur français, vu dans Prof, La doublure, La maison du bonheur dans le rôle de Donatello Pirelli, Rien à déclarer dans le rôle de Duval, la série télé Diane Femme Flic dans le rôle du commissaire divisionnaire Serge Caro, Kaamelott, Joséphine Ange Gardien, Une famille formidable durant les saisons 9 et 10, et dans la série Clem dans le rôle de Jean-Paul Boissier, le père de Clem. 1962, naissance de Paula Abdul, chanteuse américaine qui a fait partie du jury de l'émission American Idol pendant 8 saisons entre 2002 et 2009, et notamment connue pour le titre Rush Rush, qu'on écoute tout de suite un petit extrait. Voilà pour l'extrait du titre Rush Rush de Paula Abdul. On continue les anniversaires. On va rester en 1962 avec la naissance également d'Anthony Edwards, acteur américain connu pour son rôle du lieutenant DJ Nick Bradshaw alias Goose dans Top Gun et son rôle du docteur Mark Green dans la série Urgence. 1964, naissance de Mia Sara, actrice américaine vue dans Time Cop dans le rôle de Melissa Walker ou encore 20 milieux sous les mers dans le rôle de Mara. 1972, naissance de Jean Dujardin, d'un acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et producteur français, découvert dans la série hein, Un gars, une fille dans le rôle de Jean et au cinéma dans Ah si j'étais riche, Bienvenue chez les roses, Les Dalton, Brice de Nice 1 et 3 dans le rôle de Brice Agostini, hein, dit Brice de Nice, OSS 117, Le Caire, Nid d'espion, OSS 117, Rio ne répond plus dans le rôle d'Hubert Bonisseur de la Batte, 99 francs, Un homme et son chien, Lucky Luke, où il interprète Lucky Luke, Les Petits Mouchoirs dans le rôle de Ludo, The Artist dans le rôle de Georges Valentin, récompensé au Festival de Cannes par le prix d'interprétation masculine de l'année, au Golden Globe par le Golden Globe du meilleur acteur de comédie ou film musical et également l'Oscar du meilleur acteur. Vu aussi dans Les Infidèles, Le Loup de Wall Street dans le rôle de Jean-Jacques Sorel, Monuments Men de Georges Clooney dans le rôle de Jean-Claude Clermont et plus récemment dans Chacun sa vie. C'est également l'année de naissance de Robin Tunney, actrice américaine connue pour son rôle de Veronica Donovan dans Prison Break, mais surtout son rôle de Teresa Lisbonne dans Mentalist. C'est aussi l'année de naissance de Poppy Montgomery, actrice australienne connue pour ses rôles dans les séries télé FBI Portée Disparue, hein, Samantha Spade, Unforgettable, Carrie Wells, et vue dans les téléfilms L'Amour XXL ou encore J.K. Rowling, La Magie des Mots, où elle interprète J.K. Rowling. 1973, naissance de Nadia, chanteuse française. 1975, naissance de Hugh Dancy, acteur britannique vu dans La Chute du Faucon Noir dans le rôle du sergent première classe Kurt Schmidt, Le Roi Arthur dans le rôle de Galahad, Shooting Dogs ou encore la série télé Hannibal dans le rôle de l'agent spécial Will Graham. 1978, naissance de Mia Maestro, actrice argentine vue dans la série télé Alias dans le rôle de Nadia Santos, FBI duo très spécial, Person of Interest, Hannibal, Scandale et au cinéma dans Twilight, chapitre 4 et les 5 révélations dans le rôle de Carmen Denali. C'est aussi l'année de naissance de Zoé Saldana, actrice américaine vue dans Crossroads, Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl dans le rôle d'Anna Maria, Star Trek Into Darkness et Star Trek Sans Limite dans le rôle de Nyota Uhura, dans Avatar dans le rôle de Neytiri, rôle qu'elle reprendra dans le deuxième volet sorti prévu pour 2020. Depuis le temps qu'on en entend parler, eh bien ça arrive. Vue également dans Colombiana, Blood Ties, Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 dans le rôle de Gamora, elle reprend ce rôle dans Avengers Infinity War, sorti tout dernièrement au cinéma, et elle reprendra ce rôle également dans Avengers 4, sorti prévu l'année prochaine. 1979, naissance de Cécile Hernandez Cervelon, snowboardeuse handisport française qui aux Jeux Paralympiques compte 2 médailles d'argent et une de bronze, et au championnat du monde handisport, une médaille d'or et 3 médailles d'argent. 1981, naissance de Clémentine Poidatz, actrice française vue dans Marie-Antoinette dans le rôle de la comtesse de Provence, La Frontière de l'Aube, Hello Goodbye, Les Yeux Jaunes des Crocodiles dans le rôle de Caroline Vibert, la série télé Les Hommes de l'Ombre ou encore Profilage. 1983, naissance de Macklemore, chanteur américain. C'est également l'année de naissance d'Aidan Turner, acteur irlandais vu dans la trilogie du Hobbit dans le rôle de Killy. Les séries télé Being Human dans le rôle de John Mitchell, alias le vampire. Et dans Poldark dans le rôle du capitaine Ross Poldark. 1984, naissance de Paul Dano, acteur américain vu dans Long Island Express dans le rôle de Howie Blitzer. Little Miss Sunshine dans le rôle de 12 Years a Slave dans le rôle de John Tibbetts, ainsi que dans la série télé Les Sopranos. 1986, naissance de Marie-Dorin Haber, ancienne biathlète française qui a fait carrière de 2003 à 2018 aux Jeux Olympiques. Elle compte une médaille d'or, une d'argent et 2 de bronze au championnat du monde. 5 médailles d'or, 8 d'argent et 4 de bronze. Et en Coupe du Monde, son meilleur classement général a été la 2e place en 2016. Et elle compte 63 podiums. En 1986, décédé Coluche, humoriste et comédien français, vu dans Elle court, la banlieue, Le Grand Bazar, L'aile ou la cuisse, dans le rôle de Gérard Duchemin, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, dans le rôle du roi Gros Pif, Inspecteur, La Bavure, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, Banzai, Ciao Pantin, et il a co-réalisé Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. En 1997, décédé Bobby Helms, chanteur américain. En 2011, décédé Don Diamond, acteur américain, connu pour avoir joué le rôle du caporal Reyes dans la série télé Les Euros. Et en 2013, décédé James Gandolfini, acteur américain, vu au cinéma dans USS Alabama, mais surtout connu pour son rôle de Tony Soprano dans la série Les Sopranos. Allez, petite pause musicale avec Macklemore et le titre Glorious en duo avec Skylar Grey. You know I'm back, like I never left. Another sprint, another step. Another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new attitude and a lease on life is a peace of mind. Seeking a find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride. And shit, I'm straight, I'm on my way. I'm on my way, get out my way. I'm running late, what can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for other people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present, no ignoring us. Got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Whoa. I feel glorious, glorious. Through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. mama smiling down on me like, ooh, that boy got bars. Okay, okay, yes I do. I said amen and hallelujah, let me testify too. Another morning, I'm on it. Won't let self get in my way. I got my breath, I got my faith, and I remember why I came. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am, I could have again. I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. We gon' be alright with that all my life. When I open my eyes, hope I see you shine. We're planting our flag, they don't understand. The world is up for grabs. We gon' be alright. Macklemore et son titre Glorious sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, on parle météo. La météo. Belle journée ensoleillée au programme d'aujourd'hui, des températures comprises entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 23 et 25 degrés pour cet après-midi. Pour mercredi, du soleil, des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 25 et 27 degrés l'après-midi. Jeudi, du soleil également, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 23 et 25 degrés prévus pour jeudi après-midi. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Tennis au tournoi de Birmingham hier, ça passe pour nos deux Françaises. Mladenovic s'est qualifiée en 3-7 face à Siniakova, 1-6-6-2-6-4 et Océane Dodin s'est qualifiée en 2-7-6-2-6-4 face à Douné. Aujourd'hui, Dodin affrontera Barty et Cornet sera opposé à Makarova au tournoi de Majorque. Au programme d'aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Sier. Tournoi du Queens, Julien Beneteau affrontera Berdych. Manarino sera opposé à Evans et Jérémy Chardy à Smizek. Et au tournoi de Halle, Richard Gasquet affrontera Mayer, Lucas Pouille sera opposé à Tsitsipas et Benoît Paire à Johnson. Allez, on s'envole pour la Russie. Point sur la Coupe du Monde hier, la Suède s'est imposée 1-0 face à la Corée du Sud, la Belgique s'est imposée 3-0 face au Panama et enfin hier soir l'Angleterre s'est imposée 2-1 face à la Tunisie. Au programme d'aujourd'hui à 14h, la Colombie affrontera le Japon, à 17h la Pologne affrontera le Sénégal et à 20h la Russie affrontera l'Égypte. Voilà pour l'actualité sportive, on va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec le chanteur Bobby Helms, connu pour le titre Jingle Bell Rock, et du coup on va faire un petit peu plus frais puisque c'est une chanson de Noël. Allez, on écoute tout de suite la chanson donc de Bobby Helms. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's a right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to